Get up, girl. 6 mois de plâtre. Or, oh, j'ai beau me taire, j'ai rêvé trop fort. Quand tout se taille, si peu qui te donne, train de retard, que sais-je de l'homme? Get up, Mylène, des flammes si la vie te sac. Je pense donc je suis pour boire un verre. Et si je stagne là, si je comprends tout, suis plus la même, la vie a bon dos. Mais pour les gens c'est du vague. Mais pour les gens je déraille. Et chaque fois une entaille. Et la vie cause un énorme. I don't know why I find life so sexy. I feel so high. I guess life's so sexy. Mais pour les gens c'est...